C'est fou de... Mon char! 89-1-1-1. Le plan aujourd'hui à Assemblage requis. Pour la première fois à C'est fou, Mathieu et Luc vident la question de commentateurs sportifs qui confond relations amoureuses et hockey. Et Stéphanie Gagné nous offre ses coups de cœur artistiques dans ton plan favori. C'est à Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante et là vous vous demandez mais où est Kiwan? C'est la question que tout le monde se pose. Sûrement qu'il a pris un mauvais coin de rue, là. Sûrement qu'il s'est fait comme tabasser. Je sais pas. J'ai hâte de savoir. Je veux que Kiwan nous arrive en sécurité tantôt. On va en apprendre plus, j'en suis certain, d'ici la fin de l'émission. Mais avant ça, on commence avec le plan d'aujourd'hui. Hein, vous le savez, vidons la question, ça va être là. Ça va être la capsule humoristique, comme toujours, avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Et encore aujourd'hui, pour le reste du mois, on va entendre que des nouvelles capsules de vidons la question. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles entrées. On était toujours avec des classiques. Et puis, en tout cas, il y en a 3 nouvelles aujourd'hui, donc profitez-en. Le club battu, le salon de l'auto et un commentateur sportif qui confond relations amoureuses et hockey. Ça s'en vient d'ici la fin de l'émission. Stéphanie Gagné, elle, ben on sait jamais de quoi elle va nous parler, mais c'est toujours nouveau à chaque semaine. Jamais de reprise pour Stéphanie Gagné. Et là, j'ai entendu dire que Kiwan était dans les parages. Attention, on va essayer de le contacter. Attention, oh, mais où est-il? Oh, il est là! Dans le studio B. Studio B de C'est fou 89.1 FM. C'est fou 89.2. Oui, exactement. Ce studio-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Kiwan? T'as mal calculé la distance entre chez toi et ici. C'est ce que je devine. Je te compterai ça. Tu me contres ça tantôt, j'ai bien hâte de savoir. On va commencer l'émission avec la musique de Galactic. C'est quelque chose qu'on a découvert. En fait, on l'a passé pour la première fois hier. Et on a trouvé ça très, très bon. En tout cas, moi, je parle que pour moi ici parce que je sais pas si Kiwan a aimé ça tant que ça. Galactic. Ben oui, c'est très bon. C'est leur nouvel album qui vient juste de sortir, je crois. Tout à fait. Il est tout neuf. Il s'appelle Yakame. On va écouter la pièce 3, donc qui suit celle qu'on a écoutée hier. Là. Donc, voici Double It. Et puis, tu me diras ce que t'en penses. C'est un petit peu plus rappé, celle-là, tu vas voir. Ah, c'est bon. C'est Assemblage requis. Au 89.1 FM. No more dreams, no more dreams, it's reality. No longer looking on the world, I'm on the galaxy. No more dreams, no more dreams, it's reality. What you tell them? You already know. No more dreams. No more dreams now. No more dreams. No more dreams. Fortet avec la pièce Circling à Assemblage requis sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Ouais, c'est savoureux malgré la redondance extrême de cette pièce-là. J'adore ça, c'est vraiment très très bon. Redondance extrême. Mais il se passe absolument rien dans la pièce, là. Pour vrai, il se passe rien, mais c'est super bon pareil. Mais quand même, je trouve qu'il y a des variations d'intensité, moi. Subtiles, par contre. Ouais. Bon. Je trouve ça un petit peu répétitif, mais j'adore. Bon, c'est ce que je dis. C'est comme ma vie. C'est comme, moi, je suis super redondant dans mes blagues, là. Je suis super redondant dans ce que je dis, même dans Assemblage requis, j'ai tout le temps les mêmes affaires. C'est un. C'est pour ça que t'adores Fortet. Et voilà, c'est pour ça que j'aime les tétines. Parce qu'il y en a... Hey, parlant, okay. parlant de tétines... Ben oui, hein. Tu connais Géraldine, l'artiste la québécoise? Géraldine Zidane? Ouais, avec son groupe qui prend toujours un nom différent. Je pense qu'à chaque spectacle, le groupe qui l'accompagne a un nom différent. T'as déjà entendu parler ou... Non, je trouve ça ridicule, mais vas-y. Navec Onfi joue avec Géraldine régulièrement, souvent. Et puis, c'est ça, il va être en fin de semaine ou bientôt. Samedi. Il joue pour le 10e anniversaire de l'ESCO, mais c'est drôle parce que le nouveau nom du groupe qui accompagne Géraldine, qui change à chaque fois, comme je disais, c'est les Mamelons Réaume. C'est comme un hommage à Manon Réaume et au groupe Fortet en même temps. J'adore ça. Ouais, wow. Donc Navec Onfi va être du côté de l'ESCO en fin de semaine avec Géraldine et les Mamelons Réaume, mais il va être aussi vendredi, le 11 mars. Au El Mocambo à Toronto. On est le 11 aujourd'hui, donc vendredi demain ou jeudi ce soir? On est le 11 aujourd'hui. Ouais. Donc demain le 12. Ah! Vendredi le 12, il va être au El Mocambo à Toronto avec Fred Fortin, Parler, Winter Gloves et Handsome Furs. Donc tous des artistes de Montréal, ils vont être à Toronto pour un spectacle qui va être enregistré et qui est présenté en fait par Sirius et Radio-Canada, Radio 3, CBC Radio 3. Free? Donc, ça va être un spectacle qui va être capté par Radio-Canada. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va être diffusé, parce que selon l'article de blog de Navec Onfi, lui-même ne sait pas trop quand est-ce que ça va être diffusé, mais en tout cas, c'est enregistré en fin de semaine à Toronto. Je sais qu'il y a aussi un super méga session bande à part qui s'en vient aussi. Je ne sais pas si on pourrait en reparler, ça, les sessions bande à part méga, giga, super grosses, ce que j'ai lu sur Facebook. OK, on en reparle tantôt. Ben, ou pas, on verra. Ouais. Ça a l'air cool, par contre, j'aime bien ça. Parfait, donc on va écouter une petite pièce de Monsieur Fred Fortin qui était sur le palmarès il n'y a pas si longtemps, puis ça va être suivi de Navec Onfi, donc on écoute de leur amant de Fred Fortin à Assemblage requis.

de CBC Radio 3 pendant francophone qui s'appelle Bande à part. C'est l'équivalent. Bon. Donc, ça s'appelle la Super Session et c'est vraiment super génial, d'où le nom Super Session. C'est 4 sessions en une seule. Ça a lieu ce soir en direct sur la radio satellite Bande à part et sur le web. Ça vient de 3 villes différentes. Il va y avoir Fucked Up contre Dutch 16, ben, ensemble. Ruby Jean and the Thoughtful Bees avec les Hand Claps. Carquois avec Land of Talk et Ben Sinister avec Antoine Graton. Et ce qu'il y a de vraiment génial, c'est que, bon, commençons par le début. Là, la soirée est présentée par Sirius. Ça va commencer avec un gars là, à Montréal, Alexandre Courteau, qui va faire la transmission entre différentes villes. Le premier groupe, ça va être Ben Sinister. Et là, des animateurs de Bande à part et CBC Radio 3 qui vont présenter en direct de Toronto ce spectacle-là de Ben Sinister. Le groupe va jouer 4 chansons, dont une nouvelle traduite et chantée en français par Antoine Graton. Ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on envoie ça à Halifax, où il va y avoir encore une animatrice de CBC Radio 3 qui va présenter le groupe Ruby Jean and the Thoughtful Bees, accompagnée de la chanteuse Lauren Muller, la chanteuse des Hand Claps, qui va interpréter les pièces, dont quelques nouveautés, encore une fois, en français. Génial. Après ça, on s'en va à Montréal. Il va y avoir la prestation de Carquois, qui va jouer 4 chansons de son nouvel album en grande première. Celles-ci vont être traduites en anglais par Jim Corcoran, Kiwan, et chantées par Elizabeth Powell, la chanteuse du groupe Land of Talk. Wow! C'est génial. Enfin, Alex fait le relais avec Toronto pour la dernière session de la soirée avec le groupe Fucked Up qui va interpréter sa nouvelle pièce Year of the Ox pour la première fois devant public. La très très longue pièce, nous dit-on, sera chantée à moitié en anglais par le chanteur de la formation Damien Abraham et à moitié en français par Annie-Claude Deschaines qui est la chanteuse de Dutchess 16. Chaque session va durer entre 15 et 20 minutes et en tout temps, vous allez pouvoir interrompre le visionnement pour écouter des entrevues faites en direct avec les artistes des sessions. Ça se passe ce soir, jeudi 11 mars à compter de 19h sur la radio Bande à part. Évidemment sur la radio Sirius, sur Satellite Radio. Et puis ça va être sur bandapart.fm en vidéo. Wow! J'adore, je capote. J'ai pas de mots pour ça, c'est tellement génial. Donc à peu près tous les groupes canadiens vont être actifs ce soir. Exactement. Et en plus demain avec l'événement de CBC Radio 3, c'est parce que c'est le Canadian Music Week cette semaine. C'est la semaine de la musique canadienne, peux-tu croire? Ouais, c'est ça, un CMW, c'est ça que ça veut dire, Canadian Music Week. Oui, oui. Parce que à peu près tous les spectacles là, en fin de semaine portent ce nom-là quelque part. C'est ces trois lettres-là dans le nom du spectacle, CMW, donc... C'est pour ça, c'est parce que c'est la Canadian Music Week. 2010, là, pour le 2010, ça a lieu du 10 au 14 mars 2010. Si vous voulez plus d'informations sur la Canadian Music Week, c'est cmw.net. Parfait. Ouais. Donc, on va continuer, nous, avec un de ces groupes canadiens qu'on aime beaucoup, montréalais même, Winter Gloves. Oh, oh! Avec toujours un extrait de leur premier album, parce que on n'a pas encore reçu rien de nouveau, parce qu'ils n'ont pas encore sorti rien de nouveau, mais... On a hâte qu'ils nous envoient quelque chose de nouveau. Ça devrait s'en venir bientôt, vraiment plusieurs spectacles. Ils ont un mois de mai assez chargé, je dirais. Ils ont un spectacle à peu près un par jour dans le mois de mai. En fait, c'est une tournée européenne qu'ils font avec You Say Party, We Say Die. Ils sont faits forts, ils sont capables. Ils vont être aussi au South by Southwest au Texas, au festival de musique où il y a beaucoup de groupes québécois qui vont jouer là-bas. Mm-hmm. Mais bref, on les écoute tout de suite avec la pièce Invisible. Assemblage requis au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Yeah. Le groupe Moussette avec la pièce Feuille verte, c'est le premier extrait de leur nouvel album qui s'appelle... Il a un nom, on sait qu'il existe, il s'en vient bientôt. Le Club Alpin, leur nouvel album, il va être lancé en fait vendredi prochain, pas demain, le 19 mars. Ça va être lancé au Chérubin à Montréal, une salle de spectacle que je ne connais pas. C'est sur Coin Saint-Hubert et Beaubien. Donc, c'est à côté de la Chérudouche. J'imagine. Faites attention si vous avez les pieds trempés pour ne pas glisser et vous blesser en sortant du chérubin. Traînez votre tapis. Mm-hmm. Donc, l'album Le Club Alpin, qui est disponible à partir de la semaine prochaine. J'imagine si le lancement a lieu vendredi prochain, j'imagine que mardi prochain, l'album sera disponible. Donc voilà pour Moussette, on fait une petite pause et on revient tout de suite après. Jusqu'à 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Said you like the house of cards, and it's crisp on the brain. On the edges of the ledge, like a glitch down in snakes. Into the seabed, with sunken gold. And words that we said. Sometimes when you date party city streets, you falling trapped jet black in the hole that you still pity. I'm playing cards real close to my chest, can't see what I got. 1 minute we're sub-zero in the same red pipe and hop. And when we are up, we're up. And when we are down, we're down. Cards crashing through this fashion, but they don't seem to make the sound. When I'm hanging with you, is that I'm hanging myself. Now my phone's off the hook and I lay low, by low, I can sell. Because you used to think that your life was precious metals and those metals. Now as you grow up, you put it into violent dying back. Crown you go with the rhinestones, now just bones, ears, and eyeballs. I see that you must go to The Russian Futurists avec la pièce Precious Metals. Oh, des métaux précieux! Je sais ce que tu dirais si tu étais ici, Mathieu, mais non, non, non, non, non, non, j'adore MySpace. Non, MySpace, bullshit! Don't like it! Donc, quoi de neuf? Un quoi de neuf, docteur, dis-je, avec une carotte et des oreilles de lapin sur la tête. Ben, c'est l'heure de parler de moments, c'est le moment. Je recommence. C'est le moment de parler de choses véridiques, véritables et vérifiables pour la plupart. C'est un fait. Bon. Donc, commençons avec des faits un petit peu intrigants que je suis sûr que tu vas vraiment apprécier. Là. En fait, on commence par des choses vraiment déprimantes cette semaine. Bon. Ouais, je veux vraiment te mettre à terre. C'est dans le ton, on dirait, cette semaine. Oui, dans le ton, dans la sardine, tout ce que tu voudras. Entre 1950 et 1990, le taux de suicide chez les adolescents a quadruplé entre 1950 et 1990. C'est pas incroyable, ça? Ouais, sauf qu'en même temps, oui, c'est affolant, là, sauf qu'on le constate, là, puis c'est comme même pas étonnant, on le voit là, autour de nous. Ouais. On dirait que c'est comme de plus en plus la façon, on dirait, d'arrêter ces problèmes. C'est juste déprimant comme ça. Mais ça, est-ce que c'est à travers le monde, cette statistique-là, ou c'est, j'imagine, particulièrement au Québec? Là? On me dit en général, comme ça. Je sais pas, c'est dans le monde ou aux États-Unis. Moi, je mettrais ma main sur les États-Unis. Je pense qu'au Québec, on a sûrement des pires statistiques. J'allais dire meilleures, mais on serait plutôt pire. Là, mais moi, je pense qu'au Québec, on est vraiment les champions pour ça. C'est dommage. Une autre nouvelle un petit peu déprimante. La plupart des attaques cardiaques ont lieu le lundi. Pourquoi, tu me dirais? Pourquoi? Ben sûrement, à ce qu'on me dit, sûrement à cause des buveries massives pendant la fin de semaine et ensuite le début de la semaine de travail. Ça pourrait contribuer au fait que les attaques ont lieu le lundi. Le stress combiné avec l'alcool. Ouais, c'est peut-être du monde qui ne veulent pas rentrer, hein, puis ils se disent, bah, je vais faire une crise cardiaque pour pas aller travailler lundi matin. C'est facile de manger. Comme ça. Sûrement. Ici, un petit peu plus réjouissante, c'est possible d'avoir une érection après la mort. On appelle ça en anglais le « angel lust », donc le désir angélique, si on veut. Apparemment qu'on peut avoir une érection après la mort. C'est ce qu'on dit dans les faits. Bon. Dans la même veine, si on veut, la première forme de comment dire, la, disons un petit peu la pilule du lendemain, pas nécessairement pilule du lendemain, la méthode contraceptive, c'est le mot que je cherchais, la méthode contraceptive, la première qu'on a vue dans le monde, et là en général, c'était des crottes de crocodile. Vraiment du kéké de crocodile qui était utilisé par les Égyptiens en 2000 avant et entre guillemets Jésus-Christ. Donc c'est ce que c'était la première méthode contraceptive. Ouais, mais on dit pas comment c'était utilisé, est-ce que c'est... Ah ben ça. Apparemment qu'on se le frotte sur la piste. En tout cas, c'est ce que je crois. OK. On dit juste la façon de faire, on dit pas la technique utilisée. Ouais, c'est ça, parce que peut-être qu'il était aussi consommé par voie buccale. Buccale, orale, ouais. Je sais pas, peut-être que ça... Ouais. Je sais pas. Peut-être qu'on pousse un peu loin ici, là. Vraiment. Vraiment beaucoup. Les bébés ont plus d'eau, d'os, là, des os, au pluriel, là, os, os, que les adultes. Les bébés ont plus d'eau que les adultes. C'est un autre fait. Oui, ouais, mais il n'y a aucune explication, c'est là. N'importe quoi, ça. Je sais, je trouve ça c'est stupide. Quoi, il y a des os qui disparaissent en grandissant? Ou qui fusionnent. Je sais pas. Peut-être qu'ils fusionnent. Peut-être. Ah, ça serait plus plausible, ça. Ouais. Les humains ont plus de... Je trouve ça drôle, moi aussi. Les humains ont plus de papilles dégustatives. Gustatives. Et ont une vie... on recommence à zéro ici. Les humains ont plus de papilles gustatives. Wow, je la lis tellement mal, la phrase ici, c'est incroyable. Les papilles gustatives des humains ont une durée de vie entre 10 et 14 jours avant d'être remplacées par d'autres papilles gustatives. Bon, là, ça a du sens. Entre 10 et 14 jours pour la vie de vos papilles gustatives. Wow. Quand même. Allons-y avec, le poids moyen d'un œil. L'œil, on parle de vraiment, tu sais, l'œil. Tu connais ça, les yeux? J'en ai deux même. T'en as deux. Ouais. T'es chanceux. Donc, le poids moyen d'un œil humain est de 28 grammes. OK. Ben, c'est important à prévoir, ça. Je veux dire. Si tu sais pas ça, tu t'en vas où dans la vie, là? Ben non, mais tu vois, le poids de ses yeux. Je veux dire. T'enlèves ça, puis là, tu sais, mettons, tu regardes sur la balance, puis là, tu peux enlever 28 grammes, puis c'est encore correct parce que tu sais. Ça, si tu prends l'avion, par exemple, puis là, tu prévois le poids de tes bagages, mm-hmm. puis tu prévois enlever un œil en cours de route, ça n'a absolument aucune utilité, Mathieu, de savoir le poids d'un œil. Quelqu'un qui se fait crever l'œil, mettons, puis qu'il lui en reste juste un, comme mon chat, là, hein, ben à un moment donné, tu sais, t'es comme avantagé par la nature, mais désavantagé de l'autre bord, tu sais. Ouais, tu penches un peu toujours d'un côté, t'es comme plus léger d'un côté. C'est ça. Comme mettons, tu cherches un magazine comme Espace qui écrit son logo du côté, hein. Ou les posters de feux de forêt dans le désert. Ouais, aussi. C'est vrai, mais bon, c'est ça. Ouais. Un autre fait très intéressant ici, les tortues peuvent respirer par leurs fesses. Comme ça. Ça vient d'où, ça, ces faits-là? Ça vient de twitter.com/omgfacts. Ils ont aussi un site web sur omg-facts.com. Je peux t'en envoyer, moi aussi, des OMG Facts, on va voir. Apparemment qu'ils les vérifient. Leurs recherches sont faites sur Wikipédia peut-être, mais ils sont recherchés là. Oui, mais comment ils ont fait pour vérifier si... Ben là, il y a des encyclopédies. En plus, on dit pas, tu sais, les tortues respirent par les fesses. On dit, une tortue peut respirer, c'est comme si elle avait le choix. Comment ils ont fait pour vérifier ça? Ils ont mis une chandelle en arrière d'une tortue, puis là, elle s'est éteinte. Ouais. C'est ridicule. Puis ils ont mis une chandelle devant leur nez, puis là, ben, quand ça pétait, ça faisait une flamme, là. Ouais. Je sais pas s'ils peuvent péter par le nez, mais j'imagine, je prends pour acquis que s'ils peuvent respirer par les fesses, ils peuvent péter par le nez. Ben, s'ils peuvent péter par les fesses, regarde, ils peuvent faire pas mal de choses, je pense. C'est ça. OK, on va terminer avec... est-ce que j'y vais avec un ou deux faits? Je vais essayer de, celui-là m'intrigue. Je vais essayer de le traduire live comme ça, juste pour toi, parce que ça va vraiment t'intriguer, j'en suis sûr. Les hommes ont des tétines. Pourquoi? Tu te demandes pourquoi les hommes ont des tétines, je suis sûr. Des mamelons, toi? Des mamelons. Mais peut-être c'est de terre commune, non? Ça n'empêchera pas d'être tétine. Mais non, mais là, c'est médicinal, comme médical. Le terme médical, mamelon. Les hommes ont des mamelons parce que quand on est un embryon, tout le monde est une femme, jusqu'à ce que le chromosome Y arrive à travers le temps, comme ça. Oui, après la conception, l'embryon humain se développe en femme et seulement 6 à 8 semaines après, est-ce que le chromosome Y embarque et le fœtus commence à développer des caractéristiques masculines. Voilà, donc c'est à peu près l'explication. Le reste est dans l'article que je vais laisser sur assemblagerequis.com. Et donc, c'est pour ça que tu as des mamelons. Et, pour ça. Et pourquoi certains hommes ont des seins? L'alcool. Ah, OK. Sûrement. C'est bon. La bouffe. Je sais pas. Ça dépend des gens, comment ça se développe. Ouais. Et le barbier officiel du pape mérite un salaire annuel de 250 000 $ américains. Quand même. Ah, c'est des mamelons lui aussi, le pape? Oui. J'imagine, mais oui. C'est le barbier, mais quand on dit barbier, est-ce qu'il fait vraiment seulement la barbe ou il est aussi coiffeur? Ah, c'est une très bonne question, ça. Est-ce qu'il lui rase les tétines? Je sais pas. Ouais, est-ce qu'il est épilé, le pape, d'après toi? Aucune idée. Faudrait aller lui demander. Hey, yo, pape, c'est trop rase, lui. Ouais. Ouais. Ouais. On retourne en musique tout de suite avec The Almost et la pièce Monster. Monster, assemblage Rocky. Va t'épiler, Kiwan, là, tu me fais honte. Yeah.

Standing Walls. Et leur succès, Cité Phosphore, succès pour C'est Fou, évidemment, mais quand même. C'est quand même assez tranquille hein, du côté de Standing Walls ces temps-ci. Mm-hmm. Ils font pas souvent de spectacles. Peut-être qu'ils sont trop pris avec leurs études secondaires. Peut-être, ah oui. Non, c'est une mauvaise blague, mais... C'est pas une blague, c'est vrai, c'est des étudiants et des étudiantes. Ouais, c'est vrai, ils ont comme 17 ans à peu près. Dans ces coins-là, ouais. Puis mathématiques, tu connais le projet mathématiques, c'est le projet ça. D'une fille de Standing Walls, ouais. Et puis elle a vraiment, elle, pour vrai, 17 ans. Mm. Et puis, étant, elle, par exemple, ça marche pas mal. Ça marche plus, je pense, pour mathématiques ces temps-ci. Il y a comme un paquet de spectacles d'annoncés pour le mois de mars. Il y en a déjà trois dans le coin de Québec, Montréal aussi, avec entre autres Cougarette. Donc, je trouve que... Côté musical, ça sonne quand même, ça fit bien mathématiques Cougarette ensemble, sauf que je sais pas dans la vie qu'est-ce que ça donne une fille de 17 ans avec les gens douteux de Cougarette. Ah oui, comment ça douteux? Ben, je sais pas, je trouve qu'ils ont un aspect quand même assez douteux là, sur spectacle, sur scène, en tout cas okay. En spectacle Cougarette, là, c'est un peu irrévérencieux, je dirais. Ah! J'aimerais bien savoir ça en spectacle, les deux ensemble. Justement, le 20 mars, sont à Montréal, mathématiques Cougarette et Mathias Mental, un autre personnage douteux. Oui, tout à fait. Avec la belle naïveté de mathématiques, ça doit être beau. Ah, que c'est joli. On revient pour une deuxième heure tout à l'heure. Oui, avec Vidon-Ladon la question, entre autres. Oui, une nouvelle capsule restée là. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Oui, dans cette deuxième heure, on va recevoir Stéphanie Gagné, comme à tous les jeudis. Elle s'en vient dans une vingtaine de minutes et c'est une surprise aujourd'hui. On sait pas de quoi elle va nous parler. Aucune idée, je regarde et je n'ai pas d'indice devant moi, c'est triste. Donc, ce sera une surprise. Et aussi, dans quelques minutes, on a une capsule de Vidon Ladon la question à vous présenter. C'est une nouvelle. Oui, c'est un emballage cadeau de 3 capsules. Ça s'en vient dans quelques minutes à peine, mais pour l'instant... On écoute Camilo the Magician de... Set the Whale. Set the Whale. Camilo. C'est meilleur dans la vraie chanson. About this.

ans, tout ça. Ouf! Ça avait tellement des existences dramatiques, toi et Stéphanie Gagné. On a besoin de nos postes de TV, bon. Mm. Faut qu'on soit sur la compagnie qui offre le poste que l'on désire. Et ça donne que c'est pas la compagnie qui câble tous vos désirs qui l'offre. On vient d'entendre Plants and Animals avec la pièce Tom Cruise. On fait une petite pause tout de suite et Stéphanie Gagné est avec nous tout de suite après. Restez là. Bientôt, là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, c'est fou comme un balai. 89. C'est fou de la scène émergente. Jusqu'à 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Tu t'es enfin décidé à regarder La princesse Bouton d'or. Il était comme temps, là. Ouais, ben ça faisait à peu près 6 mois que ta blonde m'avait passé le DVD, puis je l'ai écouté hier. Ouais, et puis? Ben c'est très bon. Ben oui, mais je te l'avais dit, c'est une parodie d'un film d'amour, là. Ben oui, j'ai vraiment aimé ça. C'est comme, tu disais, Robin des Bois... Ouais, Robin des Bois, héros en collant, là, je me souviens pas c'était quoi la version originale en anglais, mais ça ressemble vraiment, c'est dans le même ton. Là. Avec le même acteur. Ouais, exactement. C'est super ça. Sarcastique, là. Ben, ironique, mettons. Ironique, ouais. De la parodie ironique, ouais. C'est une bonne description. C'est pas une aussi bonne description pour Stéphanie Gagné, par contre. Avec sa chronique, ton plat favori. Je crois qu'elle peut faire de l'ironie des fois, tu sais. Elle se dit pain bêche, mais en même temps, elle n'est pas si rebelle que ça, là. Tu rebelles? Ouais. Non, pas tant. Je suis très plate. C'est ça la définition de pain bêche, hein? Ça doit. D'accord. Bon, passons à un autre sujet, alors. Stéphanie Gagné qui vient d'arriver pour sa chronique Ton plat favori. Tu nous parles de tes coups de cœur artistiques et culturels de la semaine. Aujourd'hui, t'as pas l'air d'avoir ben de sujets précis, là. Merci de dire ça comme ça. Ben, c'est toi qui me l'as dit de même, ça. Non, mais cette semaine, j'ai pas vraiment eu le temps d'avoir de coups de cœur précis. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon iTunes, j'ai mis ça sur random, puis j'ai fait play. Ah. Puis je me suis dit, je vais parler des deux premières choses que ça atterrit dessus. C'est comme un last.fm version maison, ouais, à la main. Ouais, c'est ça. Mais j'avais peur un peu que ça tombe sur, je sais pas, les Backstreet Boys ou les T'as Spice ça? Girls. T'as ben, ça? Ben oui! Wow! J'ai été voir les Backstreet Boys au Centre Bell, moi, il y a 2 ans. Lors de la tournée Backstreet Back Again, genre. Je sais pas c'est quoi le titre de la tournée, là, mais oui, j'avais peur que ça tombe là-dessus, mais finalement, c'est vraiment drôle. Les deux premières chansons, c'était deux excellentes chansons qui étaient. Que je pouvais faire jouer ici. Que t'as le droit. Ouais, c'est ça, pas comme les Backstreet Boys. C'est ça, les habits, là. Les gens en habits qui décident ça pour nous, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. C'est pas vrai du tout. En habits? Non, mais ce que c'est, dans les radios commerciales, ils ont des gens là, avec bien des habillés habits. En cravate, les habits qu'on les appelle, les suits. Là. Moi, je les ai jamais vus en suits. Non? Non. Pas ici, en tout cas. Non, pas c'est ici. C'est pas ce genre de gens-là du tout. Non. Non. Alors, la première chanson que c'est tombé dessus, c'est Citizen Cope. Est-ce que vous connaissez? Non. Non. Chanteur américain, Monty Kiwan. Quoi? Bonjour. Salut. On n'avait pas parlé. Elle t'a traité de Dieu, là. Oh, mon Dieu, Kiwan. Non, pas tant. Non, je suis en train de chercher qu'est-ce que ça voulait dire exactement, Père Bêche. Pour vrai, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ben, c'est pas si positif, je trouve. Ouais? Non, ça dit d'une simplicité enfantine. Elle dit tout ce qui lui passe par la tête, rit quand ça lui plaît. Elle peut faire ce qu'on voudra. Voilà, mais ça, c'est une définition. Tantôt, j'en avais une qui était encore. Ça disait que c'était une impertinente et je sais pas trop. Cool! Hein? Wow! Ouais. J'aime ça. On ne connaissait pas comme ça, nous autres. Bon, alors, Citizen Cope, de son vrai nom, Clarence Greenwood, c'est un chanteur américain très soul, il a une voix assez particulière. Là. Puis, devine dans quelle émission ça a joué. Pas One Tree Hill, toujours. Ben oui! Hey, comme tout dans la vie, ça exactement. Sort de One Tree Hill. Il y a deux chansons qui ont joué dans One Tree Hill et c'est super bon. Je suis sûre que ta blonde va reconnaître la chanson, en plus. Il y a tellement une complicité entre ma blonde et Stéphanie Gagné. Elles se sont pas encore ajoutées sur Facebook, là. Je sais même pas son nom. Elles se parlent par la radio. Je l'ai jamais vu. Ben, il va pas sur le compte de Mathieu Plante chercher une relationship with, toujours, hein. Fais pas ça. Il y a pas des millions de façons de trouver ses cartes, en tout cas. Ben là, quand même. On s'est jamais parlé. Fait qu'il un peu y a d'initiative, des là. Ben oui, mais s'il parle à la radio puis elle te répond dans son auto. Genre. Stéphanie! Non, mais elle trouve très drôle et très gentille et très connectée à toi, là. Ben, tant mieux. Ben, elle va aimer la prochaine chanson, je suis sûre. Ça joue dans la saison 2-3. Épisode 11. Non, je sais plus. Retour de pause 3. Non, je me rappelle de la scène, mais je me rappelle pas c'est dans quelle émission. C'est quelle scène? Ben, c'est les quatre filles sont en train de faire le ménage au Trick. Puis, ben, ils se mettent à danser, là. Karen, Deb, Brooke et Peyton. Si je m'en souviens. Ça arrive dans chaque épisode. Excellent. Ah, toi, tu juste arrivé une fois. Donc, on l'écoute tout de suite, cette oui, pièce. C'est Sun's Gonna Rise de Citizen Cope. Parfait. Dans la parodie que je vais faire de One Tree Hill, ils vont danser dans chaque scène pareil. Là. On the floor of the board of this car on the road. Got this woman in the back seat. See my wifey in the middle of delivery. Man, she saved me till this day, I don't know why. She picked me up when I was down on the road. With the wind and the blow, where the sun gonna rise. In a mile, in a mile, you'll be feeling fine. In a mile, you will see. After me, you'll be out of the dark. Yeah, you'll get your shot. Yeah, the sun gonna rise. In a mile, your side, yeah. Rolling down the highway like a rocket. Well, I'm headed to town now. Can't stop it, and the wheels in my hand as I stand on the floor of the board of this car on the road. Got this woman in the back seat. She my wifey in the middle of delivery. Man, she saved me to this day, I don't know why. She picked me up when I was down on the road with the wind when it blows. So the sun gonna rise in a mile. In a mile, you'll be feeling fine. In a mile, you will see. After me, you'll be out of the dark. Yeah, you'll get your shot. Yeah, the sun gonna rise in a mile. In a mile, you'll be feeling fine. In a mile, you will see. After me, you'll be out of the dark. Yeah, you'll get your shot. Yeah. Like a rocket, well, I'm headed to town now. Can't stop it with the wheels in my hand. It's a stand on the floor of the board of this car. Toujours à la chronique Ton plat favori, à l'émission Assemblage Ricky avec Stéphanie, Kiwan et Mathieu. Et c'était Citizen Cope avec Sun's Gonna Rise de l'album The Clarence Greenwood Recordings. Mmh. Je l'ai revu, là, je l'ai revu la scène dans ma tête là, quand en écoutant la pièce. Là. Quand il dansait. Ça t'a touché. Là. Ah, ça m'a fait vivre plein d'émotions. Au resto Chicks. Ça? Chicks. Trick. Trick. Trick. Trick. Trick. Trick. Trick. Ouais. Okay. Ouais. dans One Tree Hill, on rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là tantôt. One Tree Hill, excellente émission. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Mon ancien coloc, il écoutait régulièrement avec sa blonde. Ouais. Fait que... Moi, juste le fait qu'il a enlevé la chanson thème, là, je refuse d'écouter le reste. Ah, c'est vrai que c'est triste. Ouais. Bon, deuxième pièce de mon random. J'étais vraiment contente parce que, il y a deux semaines, je voulais parler de ce groupe-là parce qu'il avait sorti un nouvel album. C'est les Shout Out Louds qui ont sorti l'album Work, leur troisième album. Mais la pièce vient de leur premier album, Howl, Howl, Gaff, Gaff. Mais je l'ai pas, cet album-là, mais j'ai la trame sonore de Nick and Nora's Infinite Playlist qui est en français, en... genre Nuit à New York, quelque chose de plate ouais, à mort comme titre. Nul. Wow! Puis le film est sorti en 2008. Ben, ça me surprend que tu n'en aies pas parlé dans tes coups de cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être le genre de film que toi et moi, on aimerait en fait. Est-ce que tu l'as écouté? Pas encore, non. Ben, j'adore l'acteur, là, il est super cool. Puis la fille aussi, je la connais. Ouais, mais moi, dans le fond, j'étais pas allé le voir au cinéma. Quand il est sorti en DVD, je suis allée me l'acheter tout de suite sans même l'avoir écouté. Ouais. Finalement, j'ai été vraiment déçue. Ah. C'est vraiment pas aussi hot qu'on peut le penser. C'est basé sur la musique super indie et cool et trendy et hipster. Ouais, la musique est quand même bonne. Il y a We Are Scientists que j'ai vraiment aimé. Shout Out Louds. Je me rappelle plus qui d'autre. La chanson Riot on the Radio. Là. Vraiment écœurante. Là. Ouais, je vais caler vite de même. Dis-nous, Kiwan. Riot on the Radio, ça, c'est ça, c'était dans le palmarès, ça c'est fou ça. Right on the radio. The Dead 60s. Ça a été super marrant, c'est pour vrai, ça, c'est fou. Pour vrai? Oui. Ah, c'est vraiment bon, ça. Mm-hmm. C'est vraiment une excellente chanson. La musique est quand même bonne, mais l'histoire est comme bof, là. C'est une histoire qu'ils se promènent un peu partout, puis il y a une fille qui est malade parce qu'elle a trop bu, puis... Mais ils échangent la musique sur leur iPod, quelque chose du genre, quelque part là-dedans, c'est pas ça? Ouais, de entre autres. Ils cherchent un groupe qui fait un spectacle privé, puis là, ils cherchent c'est quoi la place, parce que c'est pas affiché, puis les indices, mais c'est pas aussi bon qu'on peut le penser. Bon, d'accord. Mais la trame sonore est quand même bonne. Il y a Shout Out Louds avec la pièce Very Loud. Très bonne chanson. On l'écoute tout de suite. Et nous, on peut pas monter votre volume de votre radio. Il y a des gens qui sont déjà venus nous voir au studio. Pouvez-vous monter le volume? Non, c'est vous autres dans votre radio que vous devez monter le volume. On peut rien faire pour votre volume, disons. On diffuse tout au même niveau. Tout ce que je peux faire, mettons, pour aider les gens, ce serait de fermer le micro de Mathieu. OK, ben c'est une bonne... bonne idée. Il parle encore, là, tu sais. I wanna buildings high for you, but the cost, my God, the cost, I can't afford you, but I always choose another way, and this is why this love can't stay, but I wanna change the way we are. Can't stay. out of here. If we only can use your money, then we could definitely get out of here. You see, I always screw it up some way, but this is why this love can't stay. We can't stay. Diffusion, hein? Grosse histoire, ça. Absolument. Absolument. Hey, en passant, des fois, tes chroniques se retrouvent dans l'émission Les meilleurs moments de C'est fou. Donc, ah oui? Si les gens nous écoutent dans Les meilleurs moments de C'est fou, ben, on les invite, les gens, là, à écouter ton émission, Une pêche en mission, et puis écouter tes chroniques d'Assemblage Requis le jeudi. Parce que sinon, vous savez pas, les gens savent même pas t'es qui. Là, ils disent, c'est qui ça, cette fille-là avec une si belle voix? Absolument. Des fois, ils parlent de moi, parce que des fois, je parle aiguë. Ouais. Mais, ouais. Les gens me demandent souvent ça. C'est qui la fille qui anime avec toi, qui va en fille et ou gars? C'est Mathieu Plante. Ouais. Bon. C'est sûr que ta voix a quand même beaucoup mué. C'est quand même beaucoup masculinisé depuis nos débuts en 1972. Je crois. Ma mère avait 3 ans. Ben oui, mais que voulez-vous? C'était une de nos meilleures fans, d'ailleurs. Hein, elle appelait tous les jours pour les concours. Là, ouais. C'est quand? C'est tout pour moi. Ah, je peux poursuivre. T'en as assez. Oui. Merci, Stéphanie Gagné, de venir à chaque semaine comme ça, malgré notre impertinence. Ah, j'essaie de vous endurer. Ça devient moins pire à toutes les semaines. Je veux dire, pas vous autres qui deviennent moins pire, mais moi qui est capable de plus endurer. Ta tolérance augmente. Ouais. Je vais finir par trouver ça normal, puis je vais me mettre à agir comme vous autres. Vous allez déteindre sur moi. Puis là, tout le monde va me trouver bizarre. Puis là, j'aurai plus d'amis. Ah, oh, ouais. Là, dis pas ça. Tu dis ça, là, mais le jour où tu pourras plus faire cette chronique-là, si jamais ça arrive, là, tu vas tellement t'ennuyer. Là. Mm-hmm. Non, mais sérieusement, à mon émission, je m'ennuie. Là, c'est pas pareil. Là. C'est-tu plate d'animer tout seul? Ouais, ah, c'est quelque chose. Pendant les tunes, là, t'as un bloc de 15 minutes. Là, c'est long. Tu peux aussi parler plus souvent dans ton émission au lieu de juste 3 fois, mais bon, ça, c'est pour toi. Là. Ouais, mais j'essaie de mettre le plus de chansons possible, c'est ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus, ouais. J'aime mieux faire écouter le plus de choses possible que de parler inutilement. Mm-hmm. Ah, la radio! Ah. Il y a plusieurs façons de faire ça, puis je te comprends. Ouais. Donc, si on veut entendre ça, cette émission-là, c'est dans quelques minutes. Oui, une. La Pimbèche en mission. Une. Pimbèche en mission. Ah, tu m'as avancé, tu l'as dit avant moi. Caroline. Donc, la Pimbèche en mission à 17h. Et qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial dans ton émission aujourd'hui? Aujourd'hui, The Stills, Malajeu, Baby Shambles, The Shins. On parle du nouvel album Broken Bells, entre autres du chanteur de The Shins. Aussi Gorillaz, pas qu'on va entendre, mais on va parler du nouvel album. Constantine, Stars, plein de bonnes choses. C'était une pêche en mission et c'est pour ceux qui écoutent les meilleurs moments, le jeudi à 17h. Soyez-y, sinon ben, ça s'en vient juste là, après Assemblage Requis. Fait que pas aucune raison de s'en aller. Là. Et nous, on bouge pas, mais on va quand même s'en aller en musique. Ah, d'accord. Oui. Écoutez, une pièce de La Patère Rose. J'ai écouté hier le Studio 12 de cette semaine, émission à Radio-Canada. C'était Mara Tremblay qui était là. Maxime m'en avait parlé. Ben, je pense qu'il n'en avait peut-être pas parlé en ondes. Bref, on en avait discuté avec Maxime cette semaine. Il me disait qu'il avait beaucoup aimé la partie avec Malajub, qui était là avec Mara Tremblay pour faire des pièces. Moi, j'ai particulièrement aimé la présence de Fanny Bloom, et pas juste sa présence visuelle. C'est ça, oui. Non, je parle vraiment pas de ça. Non, j'ai beaucoup aimé. On fait le bateau ensemble, qui est une de mes pièces préférées de Mara Tremblay, qui date de son album Le Chihuahua. C'est vraiment, à mon avis, le meilleur moment de studio. Est-ce qu'on peut la trouver sur Internet? J'allais te demander, oui. Parce que j'en ai entendu parler de quelqu'un d'autre ici qui avait trouvé ça écœurant, puis je pense que je devrais aller chercher ça. Sûrement. Peut-être essayer ça tantôt, là, vous passez. Ou sinon, au pire, on écoute l'original, mais si on trouve les deux ensemble, Fanny Bloom et Mara Tremblay qui font le bateau, ça serait vraiment chouette. Mais pour l'instant, on va écouter La Pâte est rose avec la pièce Pacemaker à Assemblage Requis. Sur les ondes de C'est fou, 89.fm. C'était bon, ça. C'était... Oui, oh, oh, wow, wow. Super bon. Voilà. C'était bon. Je sais même pas ce que je dis. Je me suis dit que j'allais être capable de remplir le temps pendant que Kiwan cherchait. Mais clairement, quand je dis des affaires, c'est n'importe quoi. Tu sais, on s'entend. On s'entend. On s'entend. Je regardais si mon micro était ouvert. Je voulais venir te sauver de ce silence. Ben, moi, je suis habitué à ça. C'est comme un petit peu mon habitat naturel. Je suis comme, je crée des silences, je vis dans des silences, je comme ça, là. Comme ça, là. Ouais. Je l'ai trouvé. Ah, yeah. Tant mieux. Malade. Non, j'allais continuer. Moi, ouais, ben, je pense que c'est mieux pour le bien des auditeurs que tu continues pas. Bon, tu connais mieux le public que moi, d'abord. Ben non, ouais. Mais je sais pas, vu qu'on prend les appels pour savoir si, non. Ça appelle pas vraiment quand on voilà. Donc, pour remettre les choses en contexte, on parlait de Studio 12 de cette semaine, de la plus récente émission de Studio 12 où Mara Tremblay était l'invitée. Et Fanny Bloom a fait une pièce avec elle qui s'appelle Le Bateau, qui date de l'album Le Chihuahua de Mara Tremblay, qui est ma pièce préférée de Mara Tremblay. Et le mix des deux ensemble est vraiment très bon. Quoique l'apport de Fanny Bloom est quand même minime sur cette pièce-là. Mais quand même, on l'écoute ce que ça donne. Tout de suite. Ben, dans quelques secondes. Là. Après les petits applaudissements, parce que c'est là, c'est quand même un spectacle. Émission, c'est live, puis il y a des spectateurs. Puis... Donc là, pour faire la description, Mara est émue. C'est ça. T'as bien rempli, un peu mieux que moi. Voilà, donc c'était Mara Tremblay et Fanny Bloom qui interprétaient la pièce Le Bateau ensemble. C'était très beau, ça. Oui, c'est pas nous qui sommes devant le public, hein, malgré les applaudissements, c'était eux à la télé. Non, mais on peut quand même inviter les gens à venir dans notre très spacieux studio et la place pour au moins 15-20 000 personnes. Donc. Au moins. C'est comme l'équivalent d'un beau gros 8,5, tout ça. Vraiment, hein. Deux salles de bain, tout le kit. OK, donc c'est la fin de l'Assemblage Rocky pour aujourd'hui. On se quitte pour une belle petite fin de semaine, hein, parce que nous, on n'est pas diffusé le vendredi. Par contre, les palmarès, c'est fou, le son, entre 17h et 20h, soyez-y demain soir. Sinon, plus tard aujourd'hui, il y a une peu méchante émission à 17h, il y a la spirale à 18h, il y a Skypunka à 21h. Demain matin, il y a les meilleurs moments de C'est fou, hein, avec les meilleurs moments dont s'appellent déjà le Zinifton et Assemblage Rocky. Ça commence à 6h30 et c'est aussi diffusé samedi à 14h. Vous pouvez aller voir l'assemblagerequis.com pour la balado-diffusion de l'émission et pour tous les liens mentionnés au cours de cette même dite émission subventionnée. Parfait, donc on se retrouve lundi prochain. Hey, c'est UQTR en spectacle, hein, ce soir aussi. On a oublié on n'en a pas parlé beaucoup dans l'émission parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup en général dans la vie d'UQTR en spectacle cette année. J'ai pas vu beaucoup de pubs de ça cette année, je trouve. Ça a été assez discret, mais c'est quand même ce soir. Hein, c'est à Trois-Rivières. Au théâtre du cégep de Trois-Rivières. Et voilà. Soyez-y, c'est ce soir. Donc, et puis, c'est ça. On s'en va, puis on se retrouve lundi à 15h. On se laisse avec une pièce du groupe de Trois-Rivières, Madcap. Ça, c'est une nouvelle entrée sur le palmarès, la pièce Stone. Bye bye. Bye. Est-ce que c'est submentionné ou sus-mentionné? Dur à dire. Sus-mentionné, ça serait drôle.